À la croix où j'ai reçu le pardon, les fardeaux de mon cœur et ôtés. Je ne crains plus car je suis racheté et je chante à celle qui m'a sauvé à la croix. Où je reçois le pardon, les fardeaux de mon cœur et aussi mon âme, je ne crains plus car je suis racheté et je chante à celui qui m'a sauvé. Dieu vivant, notre Père céleste, fontaine de vie, source de bonheur, de réponse et de bien-être. Gloire et louange soit rendu à ton nom pour ce privilège que tu nous donnes ce soir de nous retrouver rassemblés au nom de Jésus-Christ, nom dans lequel tu nous exauces, nom par lequel tu nous sauves, nom par lequel tu nous protèges, le nom qui est plus élevé que ton nom, qui est au-dessus de ton nom. Et ton nom, Dieu, est notre rédempteur, le nom de la nouvelle alliance, envers celui duquel nous avons le pardon des péchés et la rédemption en abondance et la vie éternelle en abondance. Celle que tu donnes à tes prébis, pour lesquels tu es venu à Golgotha, tu as réparé ton sang précieux, pour te racheter de l'esclavage et de toute servitude, pour nous apprendre à marcher dans ta sainteté. Conduis le culte maintenant, la prédication de l'évangile, ôte toutes les indifférences, les insensibilités, les bizarreries, les vulgarités, toutes les choses stupides parmi nous, elles sont chassées loin de l'église. Selon la piété, car tu as dit dans ta parole, Dieu s'est délivré de l'épreuve. Nous voulons être ces hommes purs. Et toi, tu sais comment délivrer les hommes purs, pas les hommes purs, les hommes injustes, les oubliés d'iniquité. Nous voulons être que ces hommes de la piété de Dieu, sanctifiés par ton sang, sanctifiés par l'obéissance publique, sanctifiés par ce prétendant, sanctifiés aux yeux de Dieu lui-même, par être sans tâche ni rien. Il a prévu cela, Seigneur. Nous croyons que tu peux le réaliser. Pour pouvoir dans les cieux et sur la terre, nous viennent de toi. Oui, la prédication de l'évangile. Et que chacun soit secouru. Le faible et les malades. Les coupables même. Apporte ton secours approprié pour que toute langue te loue. Déclare que Jésus-Christ est Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Lave-nous dans le sang de toute impureté, de toute culpabilité. Lave-nous en profondeur aux esprits, aux sentiments, nos pensées, aux raisonnements. Nous devons nettoyer, Seigneur, tout ce qui n'est pas approprié. Enlève-les du chemin. Nous ne voulons pas de pierres d'achoppement. Rien ne puisse achopper un frère. Rien ne puisse opérer ici. Puisse scandaliser. Affaiblir un croyant. Mais que tout ce que nous voulons voir, notre édification, notre croissance. Car il est écrit que toute l'église était en paix dans la jeunesse. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Qu'il en soit de même pour nous. Que l'église soit en paix. Que l'œil la paix. Qu'elle s'accroisse par l'assistance du Saint-Esprit. Nous sommes persuadés que c'est Dieu qui fait croître. Dieu fait croître. dans les pouvoirs. Faire croître la foi. Faire croître nos êtres. Faire croître nos personnes. Faire croître son œuvre. Faire croître son église. Il a tous ses pouvoirs. Et rien ne peut être perturbé. Exauce nos prières. Donne la force nouvelle à chacun. Pour la marche et les voyages. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu de vérité. Prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Josué 10. Nous prenons le verset 5 et puis sauter pour prendre à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Cinq rois des Amoréens, les rois de Jérusalem, les rois d'Hébron, les rois de Jarmat, les rois de Lachish, les rois d'Eglon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Bongo mikondi mitano na baamola, mikondi na Yerusalemu, pe mikondi na Ebeloni, pe mikondi na Yelemuti, pe mikondi na Lakisa, pe mikondi na Ezeloni. Bayanganisaki basoda na bango pe babutaki na basoda na bango yonso elongo. Pe basalaki molako liboso na Jibona, pe basalaki etonda na yango. Nous reprenons à partir du verset 10 jusqu'à 14. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Orion et les partit jusqu'à Zika et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël, et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Zéka. Et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du Juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Yahweh abomisaki bango liboso na Israeli, pe abomaki bango na kufa monene, epai na Jibona, pe abengaki bango na nzela na kubuta epai na Beth-Horoni, pe abetaki bango kino ajika pe Makeda. Ezalaki bango kokima liboso na Israele, pe ezalaki bango kokita na nzela na kubuta epai na Beth-Horoni. Yawe akweisaki mabanga minene longwa na likolo kino epomaki bango na nzela pe bakufaki. Baoyo bakufaki na na matandala balekaki baoyo mibali na Israele babomaki bango na mupanga. Na tango yango Yoswa alobelaki Yawe na mokolo. Yawe apesaki bamola epai na mibali na Israele. Pe alobaki na miso na Israele ete, moi otelema nye epai na Jibona, pe yosanza na lubwaku na Ayaloni. Moi mpe etelemaki nye pe sanza etikaki kotambola kino esilaki bango kobukanisa bayini na bango. Oyo ekomami na mokanda na yasala te, moi etelemaki na kati na likolo mpe etikaki noki te sokoko na mokolo mobimba. Mokolo mosusu etela moko na yango ezalaki liboso te mpe na nsima te. Wana yeyokaki Yawe mongongo na moto, pe Oete yawe abunaki pona isaleli. Esaïe 28, verset 21. Isaïe a te koumé dans la monde. Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Pératim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Oete Yahweh akotelema lokola na ngomba na Pelasimi, akosilisa lokola lubwaku na jibona, ete asala mosala na ye, mosala na kokamwa, ete abongisa likambo na ye, likambo na kokamwa. Matthieu 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu mukapazomi na motoba, molongazomi na mwambe. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous un grand privilège de nous retrouver encore ici ensemble dans ce saint nom de Jésus-Christ. Pour l'invoquer et le servir, pour l'adorer et l'écouter, pour nous dépouiller du vieil homme et pour laisser dans la nouvelle naissance, expérimenter la transformation intérieure et vivre à la gloire de Dieu. La parole nous est envoyé pour nous soutenir dans la marche. Parce que sans la parole, nous allons trébucher. Nous allons succomber. Nous pouvons nous embrouiller et complètement nous perdre. Mais Dieu a prévu que tout le long du voyage, la parole soit impartie à chaque génération. Chaque jour, que Dieu nous donne le pain quotidien, le morceau de pain qui doit nourrir nos âmes, comme c'est dit dans la prière de notre Père qui est aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui sont offensés. Depuis l'enfance, beaucoup d'entre nous connaissons cette prière, parce que nos différentes églises, même dénominationnelles, nous ont appris depuis le bas âge à réciter le Notre Père Jésus, à réciter ça. Donc, réciter la prière de notre Père. Donc, au moins, ne fût-ce que du point de vue intellectuel, nous connaissons ce que dit cette prière. Mais sous l'aspect de la révélation, là, il faut la grâce de Dieu, c'est-à-dire les pensées secrètes que le divin créateur a voulu nous communiquer. Que Dieu soit loué. Nous poursuivons notre thème qui s'est focalisé un peu sur un ministère en particulier, le ministère qui était promis au temps de la fin. Bon, le thème c'est comment éprouver un ministère. Mais depuis quelques semaines, l'Esprit nous a conduits et nous a focalisés, comme si nous prenions un peu un braqueur pour mettre sur le ministère de William Branham. Mais en accord avec ce qui est en train d'être exploité, il ne s'agit pas que du ministère de William Branham, mais il s'agit également du ministère de l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse doit avoir un ministère. Il doit reproduire le ministère de l'époux. Frère Branham était un membre de l'épouse de Jésus-Christ. Un membre de l'épouse de Jésus-Christ. Pensez-y. Frère Branham était un membre de cette épouse. Oh, mais maintenant imaginez. L'ensemble de l'épouse a sa part dans ce travail. L'église épouse qui est entretenue et édifiée par les cinq ministères, depuis le commencement jusqu'à maintenant. Alors, au temps de la fin, avant que l'église ne soit enlevée, cette église épouse doit ressembler à son époux. Elle doit prouver et démontrer qu'elle est os de ses os, chair de sa chair. En d'autres termes, elle doit démontrer qu'elle est parole de sa parole, esprit de son esprit. Parce qu'au final, grâce à cette vision de l'œuvre du ministère, l'église épouse et son époux doivent avoir un seul et même langage. Et c'est ce que nous voyons déjà préfiguré ici de manière si claire. Dans Apocalypse chapitre 22, le verset 17. Le dernier chapitre du dernier livre de la Bible s'appelle l'Apocalypse ou la Révélation. Et le dernier chapitre, c'est le chapitre 22. Et nous le verset 17. Tout à la fin, le point culminant. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Ici, l'esprit et l'épouse disent la même chose. Quand l'esprit dit viens, l'épouse aussi répète viens. Exactement la même chose. L'époux et l'épouse doivent s'identifier. Ou plus précisément, l'épouse doit s'identifier à son époux. Et l'époux doit identifier sa présence dans l'épouse. Et mercredi, dans notre leçon, nous avons vu l'importance de troisième poule. Nous avons appelé la troisième attraction. La troisième attirance. C'est-à-dire la phase finale de tout ministère. Et le ministère de William Branham a évolué en trois poules. Et le ministère de l'Église de Dieu évolue également en trois poules. Dans la phase finale, l'époux doit s'identifier sa présence dans son peuple. Et mercredi, nous avons vu les promesses que Dieu a faites en accord avec ça, par Joël, par Jésus-Christ lui-même, confirmant que là où deux ou trois sont assemblés dans mon nom, je serai au milieu d'eux. Et je suis au milieu d'eux. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout ça vous rappelez. Hier, nous avons vu Dieu lui-même prenant soin de ses fidèles. Dieu lui-même, Dieu en personne, il est clairement écrit et c'est un élément de planification. Dieu a clairement écrit la promesse. Il prendra soin lui-même de ses brebis. Que ce soit clair pour quiconque entend. Ici dans Apocalypse 22, et l'épouse disent bien. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc l'œuvre de la rédemption que Dieu est en train d'accomplir ne va pas finir dans le néant. Elle doit aboutir à une réalisation parfaite. Quand vous lisez la prédication du prophète, je disais le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre. Vous verrez l'esprit nous conduire encore là-bas. Le chef d'œuvre, c'est l'œuvre parfaite. Donc Dieu devait tailler l'église. Hein, c'est comme la statue de Michel-Ange. Il a dessiné la statue. Il a dessiné Moïse. Il a pris vraiment du temps. Il a sonné. À la fin, après avoir fait un grand travail artistique, parce que quand ça échouait, il détruisait. Il est arrivé au point où la statue reflétait très exactement ce qu'il avait dans son imagination. Elle ressemblait totalement à ce que lui pensait être. Tellement c'était si parfait, débordant de joie. Il a connu le tiré d'un doigt pour lui donner un défaut. Pour vous dire, il y a ces défauts, ce n'est pas dans mon art. L'art que j'ai pour lui reproduit, c'est bien ça. Mais si quelqu'un viendrait regarder aux défauts, il pense que les défauts a été fabriqué de toutes pièces. Il n'est pas dans la vision, mais c'est le visionnaire qui a déformé son. Et c'est là pour attester que c'était parfait. Et la vision et la réalisation parfaitement. Alors, Jésus-Christ, il a aussi été dessiné pendant tout l'Ancien Testament. À travers les différents prophètes qui se sont succédés, Dieu était en train de dessiner le caractère de Jésus-Christ. Que ce soit depuis Adam, un trait de caractère de Christ. Moïse est venu. Il y avait Abraham. Il y avait Joseph. Il y avait Jacob. Il y avait Isaac. Tous ces patriarches-là, ce n'est pas au hasard qu'ils sont venus. Et le récit de leur vie n'est pas écrit en bas. Amen. Dieu est un grand stratège. Artiste numéro un. Christ aussi, étant tellement parfait, il a vécu sur la terre comme un homme ordinaire. Il a été tenté de toutes les manières possibles. Mais son caractère s'est démontré être parfait. Êtes-vous là? Vous allez voir là? On l'a tenté de toutes les manières pour voir s'il tombe réel. Ne plus que ça, non, parole. Jamais. Alors c'était si beau et le créateur qui avait la vision d'avoir un tel rédempteur de produire sur tel un tel rédempteur au profit de la race humaine à secouer la terre. Alors il a dit non. Alors, il est tellement parfait qu'il ne doit pas retourner au ciel avec sa paix. Parce qu'il retourne au ciel avec sa perfection, ni l'homme ne sera sauvé. Alors de toutes pièces, le Créateur lui-même, l'Esprit éternel, rappelle le Fils. Car la vision de l'Ancien Testament et la réalisation à travers la personne de Jésus-Christ concordaient tellement parfaitement que Dieu a secoué la tête. Il a dit non, je ne peux pas l'espérance au ciel avec sa perfection. Il faut le tâcher. Il faut lui coller un défaut. Alors celui qui n'avait pas connu de péché, la Bible dit que Dieu l'a fait devenir péché afin que nous soyons, nous devenions en lui juste. Voyez-vous Christ? Il devait être frappé. Il a été humilié. Alors il était coupable de rien. Il est mort comme un malfaiteur. Pendu au bois. Comme un criminel. Alors que dans son caractère, il n'y avait rien de coupable. Il n'y avait pas de réprochable. L'épouse de Christ aussi devait être frappé. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Quand elle a commencé au début, elle a fait la force de l'Esprit. La parole resplendissait en sa face. Elle progressait terriblement. Dieu ajoutait chaque jour à l'église. Ceux qui étaient sauvés. Et le nombre des disciples augmentait de plus en plus. L'église était glorieuse. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Elle a marché, elle a marché. Et Dieu a vu que c'était tellement merveilleux. Il a laissé l'ennemi affaiblir l'église. Il a permis à cette armée de destruction d'envahir l'église. Et il a fait le plan de restauration. Il a laissé l'esprit fraternel entrer. La communion fraternelle, la charité, la fidélité ont été détruites. La piété sabotée. Oh, l'église était devenue qu'un petit tronc dénominationnel. Elle s'est fait enterrer. Au passage des ténèbres, quand le catholicisme romain a frotté les mains pour tuer, voyez ça, 1580 protestants. Wana bumaki matele mili meke. Non, 1 million de combien de protestants? Plusieurs millions de protestants. Bumaki la kiesi na kiesi ya matele mili. Ah, dans une période là, d'une déclaration historique. Matango moko ya masolo. Depuis je crois Saint Augustin d'Hippone. Outa Saint Augustin d'Hippone. Jusqu'à l'année 1580. Ils n'ont amoubu mususu. Des millions ont été martyrisés. Bango babomaki meke na batele meli. Tous ceux qui s'opposaient. Bango wana kotele mela. À l'Église catholique romaine. L'Église au ya mamupe ya mama. Bango babomaki. C'était les actes des ténèbres. On les a laissés pour la molini. On pensait que l'Église n'existerait pas. Bango qui était clé pour la résurrection. Dieu avait un plan de restauration. Zambi azalaki na mango ya kozoka. Qui a donné la promesse à Matthieu 16. Qu'est-ce qu'il a fait à Matthieu 16 dans son cas? Zombi na mambi. Il vit éternellement. Il ne meurt jamais. À cause de il a dit que tu es Pierre. Vous allez péter l'eau. Et sur cette pierre. C'est-à-dire la révélation de qui je suis. Moi je suis. Bango na zali mona na moto. Je bâtirai mon église. Na kotonga kiza na ngai. Elle porte les séjours de mort. Même si on veut vous éliminer, vous décourager, vous allez par la mort physique, ne pensez pas que les portes de ces jours de mort gagneraient la victoire finale contre l'église du Dieu vivant. Le Seigneur a dit c'est impossible. Comme Paul a dit, Christ est ma vie. Yes, et mourir maintenant. Ça demeure vrai. Quand nous mourrons, nous gagnons. Même si c'est la mort physique. Attends, nous gagnons parce que les nôtres qui sont sauvés vont se reposer. Satan perd ici. Satan a pris quelqu'un à attaquer. Mais nous qui restons, nous n'allons pas nous décourager. Nous continuerons à combattre. Comme nous chantons. Nous resterons fidèles, Seigneur, jusqu'à la mort. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas nous ébranler, même pas nous décourager, ni nous faire dénoncer. Mais nous irons jusqu'au bout. Nous suivrons Jésus jusqu'au bout. Nous appliquerons la parole jusqu'au bout. Il a un programme. Dieu a dit, les portes du séjour des morts n'auront pas la victoire prédominante, finale, sur l'église de Dieu. Qui dit Amen? Si les choses sont arrivées à cette église au cours de ce passage, c'est Dieu qui a permis. Voilà pourquoi mercredi nous avons lu dans Joël 2, verset 27. Je remplacerai les années qu'on dévorait, les gelecs, les gazines, la sauterelle, les gazames. Ma grande armée que j'avais envoyée contre moi. Donc, cette armée ne pouvait pas toucher à l'église. Si ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé. Si ce n'était pas Dieu qui a permis. Mais il l'a permis dans un but. Il fallait que l'église soit frappée. Et de même que le grain de blé qui est tombé en terre. Pour se reproduire, doit mourir. De même, l'église devait mourir. On dirait qu'elle s'est effacée dans les temps. On dirait qu'elle n'existe plus. L'espoir d'avoir des zélés combattants s'est dissipé comme ça à cause de l'épée romaine qui a fait couler beaucoup de sang. Des millions de prostituées. Oh miséricorde. Mais aujourd'hui l'église est à nouveau debout. Parce que le Dieu de la restauration, il tient sa parole. Si vous pouvez lire la Bible librement aujourd'hui. Ah mes chers amis. Si vous pouvez lire la Bible, mais c'est grâce à l'esprit de restauration. Il fut un temps où il était même interdit aux fidèles de lire la Bible. C'était l'apanage de seuls prêtres. C'est eux seuls qui devaient lire et interpréter la Bible. Imaginez tout ce qu'ils ont fait au cours de l'histoire. Mais John Wycliffe, c'est autre combattant depuis le 13e siècle. Il est parmi les pionniers qui s'étaient opposés contre l'inquisition catholique romaine. Comment vous voulez? Il s'est écrié, lui, John Wycliffe, sola scriptura. Donc, on est en train de priver les écritures. Mais nous ne voulons que ça. Donnez-nous les écritures. On les a pourchassés, on les a tués. Vous ne pouvez pas tuer l'esprit. Vous allez tuer le corps, mais vous ne tuerez pas la vérité. Aujourd'hui, nous avons la vérité à vous. La Bible a été libérée de l'emprise des Nicolaïtes. Oui, dominateurs mal intentionnés. Ils voulaient imposer leur pensée. Miséricorde. Que Dieu nous aide. Et sachez qu'il combat lui-même pour son. Si on fait ce flash historique, c'est pour réaliser que Dieu est fidèle. Et que si aujourd'hui vous êtes ce que vous êtes, nous pouvons dénombrer les croyants. Ce n'est plus une minorité qui vit en clandestin, qui part sous les caves pour tenir des réunions. Nous venons sous le soleil, nous nous réunissons librement. L'esprit de restauration a fait un grand travail. Mais un boycott vient encore. Parce que ce boycott viendra. Parce que nous sommes prévenus. Nous devons vous dire à l'avance que Dieu combattra encore pour son Église. Notez ceci, c'est une nouvelle promesse. Dieu combattra encore pour son Église. Ceci soit notre capacité de méditer. Dieu combattra encore pour son Église. Il vient un temps. Quand vous serez acculé, le même Dieu là, il combattra de nouveau pour l'Église. Comme ce fut le cas dans le passé. Il combattra pour vous. Oui. Ici dans les psaumes, il est écrit ceci. Les psaumes, chapitre 68. Le verset 20. Même si nous prenons le... Non, commençons ici au verset 18. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Est-ce que ceci te fortifie? Matalo nzambe ezali kotanga ba tukumi bale ezali koto na koto mingi. Les chars de l'Éternel ne se comptent pas 1, 2, 3, 4, 5. Matalo nzambe tanga makati moko mi bale mi sa to bongo te. Non, c'est par un ta. Yango ezali na ta na ifuluku. 20 000. Ezali. Est-ce que toi, depuis que tu vis sur la terre, tu as déjà vu 20 000 chars? Yo, maintenant, vendi kouta, kubiki wana mabelo, filkomuna. Même la fameuse armée russe. Quand tu comptes les images. Tu as déjà compté 20 000 chars. Même l'armée américaine. Atao ya mboka America. Tu as déjà compté 20 000 chars là. Il a kotanga bongo. Aligné en un jour. Yango et celui na mokolo. 20 000. Pour être mamoko. Mais les chars de l'Éternel. Les chars de guerre. Les chars de combat. Quand Dieu doit combattre. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000. Par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Et le Sinaï est dans les sanctuaires. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as émené des caprices. Tu as reçu des dons pour l'homme. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Quand Dieu va en guerre, les rebelles habiteront aussi près de Dieu. Veut dire que Dieu promet de soumettre même les rebelles. Ceux qui les combattent pour un temps, comme Saul de Tarse, quiconque oserait suivre le même chemin, ceux qui combattent son œuvre, Dieu peut les rallier de son côté. Parce que ces chars à lui se comptent par milliers et par milliers. Quand ils montent dans les hauteurs, il amène des captifs. Il reçoit les dons pour l'homme. Et il fait que les rebelles se convertissent. Que les rebelles se répandent. Bien des pécheurs dans cette guerre. Au sauveur, ils sont rendus. Et maintenant, dans la lumière, ils combattent pour Jésus. Nos marchands avec assurance. Nous qui devons porter l'espérance, mon Dieu, mène toute résistance. Jésus-Christ sera vainqueur. Nous marchons avec assurance, nous qui devons porter l'espérance, mon Dieu, vienne toute résistance. Jésus-Christ est là. Netumba, netumba, basomo kemenge, bamipe, senamo bekeze, pesikawa, katinapole, bakobunda pona ye. Tojale, na konyima, nyonson leto, memielikanaba, sosokolo satana, akosala, pamba, yeso kleso akolo, salabesa tojale, na konyima, nyonson leto, Memieli kianaba, soso de la satana, akosa la pamba, yeso kleso akolo. C'est tellement réel, vrai. Vous avez pensé à son nom, c'est ça, Moninga. Au cours de l'histoire, tu es la preuve. Ah, tu n'as pas dit que tout ce que Satan fait est vain. Non, son Satan, c'est le mauvais le pamba. C'est Jésus-Christ qui fait ça. Que l'église qui croit dit sa mère. Le Seigneur d'aller pour l'immoyer, le babouvé, le babouvé. Le combattre encore pour son église. Le Seigneur pas la tempête qui vient. Le Seigneur n'a pas la tempête qui vient. Le Seigneur n'a pas la tempête qui vient. Même si vous serez en contraint à être le clan de ça. Le Seigneur prouvera qu'il est le créateur. Il vit au milieu de cette village. Il vit dans son église. La promesse n'est pas vaine. La promesse n'est pas vaine. Tu dis amen. Vous avez le bongo. Tu crois de tout cœur. Lisons. Il dit ceci. Verset 19. Et nous l'avons dit. Nous l'avons lu à partir de verset 4 le dimanche. Tu es monté dans les hauteurs. Et tu as amené des captifs. Tu as réussi des dons pour l'homme. Les rebelles habiteront aussi près de l'éternel Dieu. Obotaki likolo okambi bakanga mielongo ozwaki makabo epai na bato ata epai na batomboki ete nzambe afanda wana. Pourquoi et comment la rebelle y parvient? Parce que Dieu a placé en nous le ministère de la réconciliation. Même l'opposition devient soumise. Dieu a le pouvoir de s'assurer de se mettre à sa volonté. Il y a personne qui dépasse Dieu. Qui soit pour lui un vrai casse-tête. Il a tout pouvoir partout près. Et la parole de la réconciliation est là. Nous vous exhortons, comme Christ, parlez par nous. Voyez, réconciliez avec Dieu. Quand nous le disons, ce n'est pas sans effet. Quand nous le disons, ce n'est pas en vain. Mais ça produit des résultats. Il y a des gens qui sont faits aujourd'hui, qui sont impossibles maintenant, mais que nos prières et nos prédications convertiront. Adieu que pour nous, les rebelles avaient des péchés de cet endroit. C'est quand et comment les pères. C'est comment caler sol des gens. C'est comment rattraper Jonas. Même si tu fuis loin, tu n'iras pas loin de son esprit. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il peut se saisir de tout ce qu'il peut se saisir. Fais confiance à Dieu, mon ami. Si il y a un problème, comment ça se dépasse? Recours au nom de l'Éternel. Le nom du Seigneur. Et si tout le fort. Le juste se réfugie là-bas. Et se trouve en sécurité. Que ta santé soit en sécurité là-bas. Amen. Que ton estomac soit en sécurité là-bas. Que ton cœur soit en sécurité là-bas. Entre les crises cardiaques. Les troubles de la tension cardiaque. Les crises tensionnelles. Les crises d'estomac. Oh la gastrite te réveiller. Que le nom de Jésus protège. Amen. qu'il fasse mieux que le baume de Galade. Assalamualaikum, collègue. Qui sont les na Galade? Qu'il te guérisse mieux que tous les gens. Assalamualaikum, collègue. Aujourd'hui, nous sommes dans la Gosala. Les antiacides et les chirons. Vous allez porter les mélasites. Les malox et les phosphaligènes. On a battu ce bas, on a pris un mot. Le nom de Jésus vaut plus que ça. Amour à Jésus, il est tout qui en gros. Qu'il protège ton estomac. Et pas qu'il a. Qu'il protège même ta vie à toi. Et pas qu'il a tout le monde. Le souffle de vie. Et malabon, mon aïe. Le nombre de tes années sont là. Que le nom de Jésus protège. Amour à Jésus, et pas qu'il a en gros. Amen. Quand tu lui rendras culte, il a dit qu'il te fera parler de Gaïna à Jean-Baptiste. Il accomplira les nobles de tous sur la terre. Sois fidèle à ton Dieu. Serre Dieu chaque jour jusqu'au bout. Il fera sa part. Les rebelles habiteront aussi près de l'éternel Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur chaque jour. Amen. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Pour nous accomplir, nous avons mis en place un mouvement de la vie. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Nous avons mis en place un. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Est-ce que ton Dieu a pris ce pouvoir? Même si la mort rentrait littéralement là. Et que tu es comme un ange tout noir. Comme un sac de braise vénéré. Et qu'il disait c'est moi là. Ne tremble ni ne panique. Tiens-toi sûr tant que l'Éternel est ton berger. Dans ce matin dans la vallée l'homme de la mort. Tu ne tiendras aucun mal. Quand Saoul était son bateau terrestre, il sera avec toi. Il te protégera. Il te gardera en sécurité. Il est Dieu infaillible. Amen. Dis-lui mort. Où est ta victoire? Mort. Où est ton aiguillon? Le lion de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, notre libérateur. Après avoir été esclavé, il nous a libérés par sa vérité. Que sa vérité te soutienne. L'évangile te garde victorieux. Il te vainqueur sur ton nom. Et en toi. C'est vrai. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Jésus a tout vaincu. Plus que vainqueur, il est sorti de la tombe. Il règne au ciel intercède pour moi. Il vient bientôt me chercher pour le roi. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est écrit. C'est la suffit. Que Jésus m'a. Oh bonheur suprême, la Bible m'aime. Chante ça un peu à ton voisin là. Yango voisin malili. Allons-y nous. Ok, neto yemba. C'est la suffit que Jésus m'aime. Oh bonheur suprême. La Bible me le dit. Heureusement, mon âme a mon croissant. Oh oui, c'est vrai. Solo. Moi, je sais que c'est vrai. C'est écrit. C'est écrit. Ça me suffit. Que Jésus m'aime. Même si la famille me déteste. Même si la famille me rejette. Même si les amis m'abandonnent. Jésus m'aime. Jésus pour les amen. C'est là, monsieur. Dans ce monde et agité, Seigneur, tu m'as aimé. Tu m'as cherché. Tu m'as trouvé. Oh, ton amour est grand. Oh, Jésus m'aime. Amen. Il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime. Oui, il m'aime. Oh! Exhortez-vous les uns les autres par les cantiques. Par les psaumes. Ne dis pas quel genre de prédicateur. Parole le lobby, tous les nissans n'ont pas pris somme dans un bon. Amen. Ça va se sortir avec un peu de courrier. Amen. C'est que je me vois inspiré, le coup naïe. Amen, amen, amen. Vrai. Oh. C'est qu'un complexe. Aux ala qu'un complexité. Il faut yébela, malouban en zambé, tambo la gandé. Amen. Oh, les alli, ma camboya banandako. Amen. Zembo, tu sais, mais quoi, il était à et coucaille. Amen. Parce que c'est bien inspiré, nous sommes malades. Oh, ne soyez pas complexés. Il y a un monde qui a passé le coup. Il y a un monde qui a passé le coup. Ah, vous allez vous complexer, vous voyez. Hein? Que Dieu t'assiste, toi, les faiblards là. Jamais, il faut que nous soyons devenus tellement faibles, toi. Alors, dans les psaumes 68. Il est écrit que Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Amen. Le verset 21. Verset 21. Zambé na bifo ajali Zambé na kobikisa. Oui, bon, il faut na bifo. Et bon, il faut na inamanyo sokati na itonga. C'est valable pour nous. Et que moi je fais partie de ce groupe. C'est valable pour moi. Et c'est valable pour moi et pour l'autre membre du groupe. Et pour nous tous qui sommes la promesse. Êtes-vous heureux d'être l'un d'eux? Êtes-vous de ce groupe concerné ici? Est-il pour toi? Dieu de délivrance. Est-ce que tu peux les chanter partout? Tu peux le déclarer qui comprend. Même dans les combats les plus compliqués, même devant les défis impossibles, Dieu est pour moi. Dieu est délivrant. Les trois amis de Daniel, ils n'ont pas créé la fournaise. Ils sont dit au roi, il y a tous ces grands délivrants. L'éternel, notre Dieu, est plus que capable. Il a dit ça. Et c'est encore écrit. Oh, j'aime cette écriture. Oh, Jésus. Oh là là. Si vous pouvez voir ici dans des pièces chapitres. Oh là là là là. Qu'est-ce que Dieu dit là? Dieu, il sait ce qu'il peut faire. Ah. Il dit, 2 Pierre chapitre 2. Prenons le verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, il les réserve pour le jugement. Pour être un homme, à qui qui mange, tu es bas au basila qui m'abé. Car si à voir qui bango na lifo, à qui bango na mabulu na molili tout. Et c'est baba qui la mampona kusamba. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, donne-lui ce prédicateur de justice. Lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'impie. À qui qui mokili na kala kala te, car si à basi l'inoa, mosakoli na ye. Mwenge beni, na ba mosusu sambo, ne aesi ye pela na mokili, Likolo na batyoli. Verset 9. On va le voir. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve. Les hommes pieux. Il réservait les injustes pour être punis au jour du jugement. Que c'est le Père. Bon, il faut le dire. Dieu est pour moi le Dieu des délivrances. Même quand on serait acculé. Même quand nous serions accablés. Parce que Dieu nous délivrera. Il combattra à nouveau pour son église. Tenez-les pour promesse. Tenez-les pour promesse. Dieu sait comment délivrer. Il le fera. Maintenant regardez ce qui s'est passé. Au temps de Josué. Josué dans la marche avec Israël. Il est arrivé qu'il se passe quelque chose. Il a livré la bataille contre le village de Haï. Le et ils ont eu la victoire malgré que Akan avait occasionné une défaite dans une bataille. Mais l'ensemble de la guerre contre Aï a tourné en faveur du peuple d'Israël. Vous êtes sur le biathal, ils sont morts quand ils ont mis balai et les misaïotés. Et ça, c'est que pour frère, maintenant, comment on a le corps, il y a des spirituels, il y a quoi les cas, à quoi il n'a qu'à ta moussoumou, il y a les mbappés au bête, les bakous. Sonne n'ayons! Soyez mboka mboka. Chacun doit vaincre et la foi est individuelle. Akan est tombé. Mais Israël a gagné à la fin. Il a occasionné par son péché la mort de 36 Israélites. Il est innocent. Mais le cheval est équipé pour la bataille. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La délivrance appartient à l'Éternel des armées. Qu'on soit équipé comme comment, je ne sais pas comment. Mais sachez que notre Dieu ne délaisse pas ses enfants. Il finit par prendre le tissu et alors il frappe l'ennemi et donne victoire à ses croyants. Proverbe 21, verset 31. Oh là là. Oh, prenons le verset 31. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. C'est la pensée, c'est bien traduit la ligne là. Rédigez encore que mes amis comprennent bien. Qui peut dire amen à chaque fois? Oh, Mayele Moko Boye, et tel est Mélanzambe. Oh, Toli Moko Baba, Pese Toli Moko Boye, Zambé Moko Basoubi. Non. Il n'y en a pas. Les alités. Oh, voyez qui gagne une et ce qui se semble, le couta. Satan n'en a pas. Satan est suprême. Zamba le kilikolo. Pour toujours suprême. Tangonon soit l'équipe le kolo. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Balata abomisa mi pona mokolo na etumba. Nde elonga et j'allais pas inayaou. Qui dit amen et sincère amen. Avec de telles promesses, est-ce que Dieu n'est pas pour toi le Dieu de délivrance? Comme nous prions notre Père qui est aux cieux, ne nous laisse pas tomber en tentation. Mais délivre-nous du malin. Délivre-nous. Il est capable de le faire. Nous pouvons l'invoquer, il le fera. Nous pouvons l'appeler sur la scène. Et il interviendra. Alors, Akan a péché, il a perdu le camp d'Israël. Mais Dieu a promis la victoire à son plan. Ce n'est pas pour un seul individu. Il ne va pas détruire tout son plan. Le coupable devait être puni seul. Avec les coupables de sa famille. On s'attendait à manger de l'argent volé. Donc Tata, Abomisina Libotana, moi, Sina Bana. Va tomber Bango. Que Dieu soit béni. Dieu, il est un Dieu de sainteté. Dans Josué 10. Verset 1. Adoni-Tzedek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï. Il l'avait dévoué par interdit. Et qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi. Et que les habitants de Gabaon avaient fui, hein, avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Et au cas qui a donné ce décret mon conduit dans Jérusalem, mon fils de Yosua a kamata qui aille, fait à Boma qui a mon lien, fait à Salila qui aille, fait mon conduit dans Yango, fait la moko, à Salila qui yéliko, fait mon conduit dans Yango. Fait mon fils de Batona Jibona, basala qui combima, na kimia, na Israelem, fait basala qui na kati, na bango. Verset 2. Il y a alors une forte crainte. Car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï. Et tous ses hommes étaient vaillants. Il y a banga qui mine qui peut être jibon à Isala qui moka mon aîné, moko la moka na mokondi. Peu ouete, yango Isala qui aï na mon aîné. Peu ni bali na bango, ba Isala qui yonso makasi. Êtes-vous là? Vous allez voir là? C'est votre réputation qui se répand. Et par ce geste-là, Dieu a confirmé sa parole. Quand il a dit que si Israël obéit à ses commandements, j'enverrai ma terreur devant toi. Même les rois et tout, même les habitants qui ont fait la guerre, qui se rebellaient contre l'ordre d'Israël, c'était l'ordre de la parole. Mais il y a des gens qui se sont battus la parole. Josué et son groupe ont levé l'épée. En s'appuyant sur l'éternel Dieu, qui garantit la victoire à ses fidèles. Ils ont combattu. Quand la bataille tournait vers la défaite, l'Esprit de Dieu a inspiré Josué. Que vous êtes en train de récolter, ce n'est plus la promesse de Dieu. Ordonne une pause. Ne continuez pas forcer. À un moment, que personne ne combatte. Même si les ennemis vont avancer et gagner quelques villages, Il a convoqué les assemblées générales. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Les assemblées générales. Convocation, dénombrement. Qui a péché? Tout le monde est resté bouche bée. Qui a péché? Josué répond à la question. Qui a péché parmi nous? Qui aurait transgressé le commandement? Qui aurait violé la parole? Personne. De mon côté. Et Akan, et sa femme, et ses enfants, tous complices. Alors, Dieu inspire son conducteur. Atimi mutambusinaye. Au lieu d'envoyer une prophétie fracassante. Akotinda alisakolwa kubeta makasi. Il était aussi capable d'envoyer une onction. Alors makokia kotinda ipakwa. Il pouvait dévoiler les coupables. Directement. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Israël. Je te dis, toi, un tel. Mais il est le Dieu des diversités. On ne lui impose pas ce qu'il doit faire. C'est lui qui sait comment nous délivrer. Dans chaque épreuve, il sait comment nous délivrer. Moi, j'étais lui le chef. Moi, je le sais comme lui le chef. Il sait comment délivrer les épreuves. Les hommes à pire. On a vérifié là. Premier tirage au sort. On a babiti liboso. Une tribu. On a liboso moko ebimi. Deuxième tirage. Deuxième balé. Les clans sont. On a liboso moko. Troisième tirage. La famille paternelle sont. On a liboso akota ngamba botata. Ils allaient kuna. Au lieu même de se rattraper. Et c'est amusant dit ça. Mais il a laissé le tirage au sort aller jusqu'au bout. Atika ki kovoto zeki kende kiki na soka. Sachez que la grâce de Dieu a ses limites. Mais tengo na zambi zana ndivu nango. Quand vous allez jusque trop près de la frontière là. Quand vous kende pene pene na ndelu. Près de la ligne de démarcation. Pene na ndelu akoka. Vous avez le risque de ne plus jamais être pardonné. Oko kiko kima likama ya kulimbi kama lisusu te. Si moi j'étais à Caen. Dès que le nom de ma tribu était cité, on a combien les côtés n'engagent pas. Allez déjà lever les mains. Arrêtez tout ça. Allez aussi quand nous sommes. Arrêtez, c'est moi. Aussi quand j'allais gagner. Parce que je suis de cette tribu. Vous êtes engagé dans la liberté wana. Lui continue à faire les gouttes. Allez coco va vous donner coco kanga kama boko. Vous faites le malin. Vous faites la tribu. Peut-être que ce n'est pas moi. Voilà, vous avez dit. Est-ce qu'on est aussi les gens, mais qu'est-ce qu'il y a de grave dans tout ça? Je n'ai même pas encore consommé ça. Je suis tellement, j'ai cassé. Si vous venez à ce bon moment, ma salinité. Basta kanakana zambete. Basta kanakana zambete. Nano te gagi orwana te. Nano pe nabu pete et le côté. Il a juste pris et caché pour lui. Pour Dieu, le péché déjà consommé. Batsakana Zambe te bandeko. Craignons Dieu. On a fait tout ça. Et lui a laissé faire jusqu'au bout. La ligne de démarcation entre la grâce. Tu pousserais ton cœur à te répandre automatiquement de toi-même. C'est une menace de jugement. Cette ligne a été franchie. On est allé maintenant dans une procédure forcée. On a tout fait pour couvrir le coupable. Pendant qu'il est temps. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mais répandez-vous chacun de vos péchés. Confessez et réparer. Parce que plus tard, ce sera trop tard. Irrécupérable. C'est le cas d'Akan, vous prêchez. Vous servez d'exemple. Aujourd'hui, Dieu n'envoie pas encore de grandes prophéties. Des grands dons pour secouer l'église. Comme au temps de René Sassira. Il envoie la parole des repentants. Comme il avait envoyé Jean-Baptiste prêcher la repentance. Il a envoyé Jésus-Christ prêcher la repentance. Il a envoyé Pierre prêcher la repentance. Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Répentez-vous déjà. Mettez vos vies en ordre. Réparer tout ce qui doit être réparé. N'attendez pas qu'on vous attrape. Parce qu'on a attrapé Ananias, la sentence est tombée, il est mort. Quand on a attrapé sa fille et sa femme, il n'avait plus de pardon. Il est frappé de mort. Et c'est le même Dieu que nous prêchons. N'attendez pas que ce moment vienne. Vous le commencerez, vous ramasserez un après l'autre. Toi, tu viens à l'église, mais tu venais de l'hôtel. Toi, là-bas, tu es une personne, voici l'endroit. Ça, ce sont des jugements. Faites attention. Ne transformez pas l'église de Dieu en une porcherie. Comme pour dire, mais quand il passera à la phase de jugement, il y aura des frappes exemplaires. Des gens peuvent se mettre ici. Et je vous garderai de la neige. Le Saint-Esprit va les neutraliser. Je vous dis la vérité. Nous avons une force à faire, mais nous sommes tous. Nous avons un Dieu redoutable. Nous avons un Dieu terrible. Qu'ils sachent que le pouvoir qu'ils ont n'est que temporel. Mais le pouvoir de notre Dieu est suprême et surnaturel. Il faut plus que la sorcellerie de Silgo. Ça, c'est le numéro suprême. Le Créateur en personne pour toi. Lorsqu'il a frappé de vos mains, il y avait aussi des services de renseignement. Toute la montagne est remplie. Nous avons pour sécuriser un individu. Nous sommes pour combattre la bouquille et motomoko. Ça, là, c'est quoi un bouteillage de salle de magasin? On va dans le salle de la montagne de la Christo. Bacharo Yangaï, d'ailleurs, fait mettre en bouteillage. Dans le surnaturel. Cafouillage. Yangaï Bachar, familier. Yayo fait familier. Yaye wana, bamilie, to koutane wa, quelle force, quel peuple devons-nous être? Wana, pour Dieu! Oya, moto, makasi, pour la Zambie.